Dans la chambre claire, Roland Barthes tente de saisir l'essence de la photographie. Il réfléchit sur ce qu'il se passe quand, face à un portrait, par exemple, quelque chose retient son attention. Et il écrit « Un mot existe en latin pour désigner la blessure, la piqûre, la marque faite par un instrument pointu. C'est le punctum, la piqûre, le petit trou, la petite tache, la petite coupure. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui, en elle, me point, mais aussi me meurtrit et me poigne. » Bonjour François Raviez. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Je suis heureuse de vous accueillir pour le deuxième temps de cette série d'émissions autour des mémoires de Saint-Simon. Il y a eu mille et une façons de lire les milliers de pages que constituent les mémoires de Saint-Simon, et l'une d'entre elles, qui n'est pas la moins plaisante, est de commencer en lisant les portraits incroyables que l'on y trouve et qui fonctionnent, ce qui est tout aussi incroyable, comme l'analyse de Barthes sur la photographie, non ? Ça fonctionne comme l'analyse de Barthes sur la photographie. Ça fonctionne comme une grande machinerie verbale dont on retient généralement une métaphore, on retient une formule, on retient un adverbe. Il faut savoir que Saint-Simon a composé pour ses mémoires plus de 2000 portraits. Certains sont extrêmement courts, ils font une ligne, deux lignes, ce ne sont que des fragments ou des esquisses. D'autres sont extrêmement longs. Le portrait le plus long, c'est le portrait de Louis XIV. C'est le caractère de Louis XIV en 1715, qu'il appelle le tableau du règne. On peut y ajouter le portrait du duc d'Orléans, qui est tellement dense que Saint-Simon va l'écrire en deux parties, en insérant en plein milieu le portrait de l'abbé Dubois, futur cardinal Dubois. Certains portraits sont elliptiques, tiennent en une phrase. J'en donnerai un seul. Il était boudin de figure comme de nom, pour parler de l'apothicaire du roi. Saint-Simon aime beaucoup les analogies animales. On trouve ainsi associés aux gens de la cour de Versailles des bœufs, des chats, des chiens, des crapauds, toutes sortes de personnages. Ainsi, dans chaque portrait qui fasse deux ou trois lignes ou qu'il fasse plusieurs dizaines de pages, la mémoire retient un élément, une phrase, ce genre d'élément, ce genre de phrase dont on a envie de dire aux gens qui sont autour de vous, mais attendez, écoutez ce que je viens de lire. Il y a un élément ici extraordinaire. Et il y a donc un pouvoir de séduction de ces portraits, un véritable pouvoir magnétique. Il faut se souvenir que les mémoires de Saint-Simon occupent 8 pléiades, c'est-à-dire près de 8000 pages, mais que les portraits ne constituent à peu près que 5,5% de la totalité des mémoires. Oui, vous dites 2000 portraits, mais ça n'est que 5%. Mais ça n'est que 5%. Et ce sont ces 5% qui ont fait, à notre époque, le succès des mémoires de Saint-Simon, puisque ce sont ce genre de textes qu'on étudie de préférence. Ce sont des textes autonomes, qui se suffisent à eux-mêmes, qui tiennent pour certains, nous semble-t-il, de l'exercice de style. Et même s'ils demandent des notes de bas de page, et même s'ils demandent d'être contextualisés dans l'histoire de France, dans l'histoire de la cour, dans l'histoire des généalogies, on peut dire que pour entrer dans l'œuvre de Saint-Simon, le seuil de l'œuvre, pour beaucoup de lecteurs, ce sera un portrait, puis plusieurs portraits. Et on en trouve donc un certain nombre dans les anthologies. Voilà, c'est ça. Vous avez d'ailleurs proposé plusieurs anthologies des textes de Saint-Simon. Et vous conseillerez aux auditeurs de commencer en lisant les portraits. Ce serait une bonne manière d'entrer dans les mémoires directement ? Ça peut être un point de départ pour lire les mémoires. C'est une introduction à l'histoire de France que de lire un portrait, parce qu'on rentre dans l'histoire de France à travers des personnages. Ouais. Et donc, on va imaginer le physique des personnages, on va imaginer leur vie intérieure. Saint-Simon a le don de lire dans les êtres. Il est, si vous me passez l'expression, médium, littéralement. Il lit dans les âmes, il lit dans les cœurs, à une exception près, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Il a une sorte de don de double vue et il a surtout une plume particulièrement acérée, voire médisante, qui fait qu'il peut tout se permettre. Très médisante, François Raviez. Très, très médisante parfois, mais aussi parfois extrêmement élogieuse. C'est-à-dire que ce qui réunit ces portraits, je pense que c'est le ton passionné, hyperbolique, parfois démesuré, du mémorialiste, de l'historien, quand il parle de gens qui sont pour la plupart morts depuis un certain nombre d'années quand il les écrit, quand il les décrit, ou qui sont extrêmement vieux, qu'il n'a plus vu depuis des années, mais qui sont toujours vivants en lui, qui continuent à exister dans sa mémoire comme s'ils étaient proches encore de l'historien à sa table de travail. Ça relativise l'approche qu'on évoquait hier en compagnie de Cécile Gilbert du travail d'historien de Saint-Simon, plus historien que littéraire. Il ne voulait pas être écrivain et pourtant les portraits dont on va parler ce matin montrent bien qu'il y a un talent littéraire. Qu'est-ce qu'un écrivain si ce n'est celui qui arrive à croquer un portrait aussi génial que ce qu'on va entendre ? Il y a un plaisir du texte évident chez lui. Il y a un plaisir de la phrase, un plaisir d'utiliser tous les mots de la langue française, de jouer à la fois de la période oratoire très très ample, très rhétorique, mais aussi de l'ellipse, du raccourci et parfois du surgissement d'images qui sont pratiquement géniales, qui sont comme des visions. Donc on a affaire à un énorme travailleur qui est en même temps un halluciné. Mmh. Question de savoir si les deux notions peuvent cohabiter. Eh bien oui, chez Saint-Simon, on a vraiment affaire à un historien très consciencieux, très méticuleux, très érudit, très savant, mais en même temps un médium qui a intuitivement la perception de ce que sont en profondeur les êtres qu'il a eus sous les yeux et qu'il a toujours sous les yeux au fond quand il les écrit, comme s'il ne pouvait pas se passer d'eux des dizaines d'années après. Y compris ceux qu'il ne peut pas voir en peinture, c'est le cas de le dire. Alors avant d'entendre le premier portrait, ce sera un portrait de Fénelon, dont on se demande s'il est ou non ironique. Un point de méthode sur la manière d'appréhender ces portraits-là. Je lisais en début d'émission cette citation de Roland Barthes, qui dans La Chambre claire montre que pour regarder une photographie, il y a une manière de saisir ça. Il y a le studium, dit-il, qui est plus la vue d'ensemble, et le punctum, qui est comme cette piqûre qui vient à moi. Je disais que ça fonctionnait pour Saint-Simon, parce qu'il y a toujours finalement ce qu'on pourrait appeler une sorte de détail qui tue dans ses portraits. D'une grande dame de la cour, il dit « elle avait toujours quelques mets accablants ». C'est-à-dire que même dans le portrait le plus élogieux, on a un mot, on a une allusion, on a une petite pointe précisément d'ironie. C'est ça. Le grain de sel, en quelque sorte, même dans l'éloge, même dans le dithyrambe parfois, il réussit à mettre ce petit grain de sel qui fait que le lecteur, finalement, quand il a un petit peu d'habitude de lecture des portraits, se dit « mais il va se passer quelque chose dans ce portrait ». Je vais prendre un seul exemple, le portrait de Louis XIV. Bon, on le lit, évidemment, c'est la reconstitution de la psyché du roi, du caractère du roi, des mœurs du roi dans son jeune temps. Et d'un seul coup, Saint-Simon nous dit « il était fait pour être le roi des abeilles ». Ça dérape. Voilà. Ça veut dire quoi ? Une sorte de dérive, parce que le roi des abeilles, jusqu'à présent, on n'en a pas vu beaucoup. Mais pour lui, c'est l'expression qui convient le mieux. Donc, il peut se permettre d'introduire ce grain de sel, ce grain de poivre, souvent, cette petite touche acidulée, qui est à la fois visionnaire, mais qui, à mon avis, n'est pas que visionnaire, est aussi le fruit d'un très très long travail sur le matériau même du portrait. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. Et puis, on va commencer par... on va suivre une logique dans les trois portraits qu'on va entendre, au moins trois. Bah, disons qu'il y a une sorte de dégradation, ou au contraire, ça dépend de quel point de vue on envisage les choses. Mais on va commencer avec le plus généreux et puis on ira vers quelque chose d'assez féroce. Est-ce que vous voulez nous dire un mot sur les rapports entre Saint-Simon et Fénelon avant qu'on écoute le portrait ? Oui, alors juste deux mots pour dire que Fénelon, cardinal, hein, bien entendu, donc très haut dignitaire de l'Église, a été précepteur du duc de Bourgogne. Qu'il est en disgrâce à Cambrai depuis 1699, à cause du Télémaque, à cause du quiétisme. Donc Télémaque, c'est le conte le grand roman qu'il écrit pour le duc de Bourgogne, le dauphin, donc, qui meurt en 1712, le malheureux dauphin. Et de toute évidence, il y aurait pu y avoir une rivalité politique extrême entre Fénelon et Saint-Simon. Imaginons le duc de Bourgogne arrivant au pouvoir, devenant Louis XV. Imaginons Fénelon à la cour, il aurait continué à prendre une influence, évidemment, sur son pupille. Et Saint-Simon prend aussi une influence, à sa manière, sur le duc de Bourgogne. Donc Saint-Simon a choisi le duc de Bourgogne. Et on peut rêver d'une espèce d'histoire contingente, d'une espèce d'histoire fiction, où les deux personnages se seraient retrouvés face à face auprès du nouveau roi à la mort de Louis XIV. On a envie de dire Dieu soit loué. Fénelon a été disgracé et donc il restait à Cambrai jusqu'à sa mort en 1715. Et malheureusement, le duc de Bourgogne, le dauphin, meurt en 1712. Donc Saint-Simon voit s'effondrer toutes ses espérances politiques. Mais c'eût été le combat des chefs. Voici donc le portrait qui va résonner de manière particulière dans vos oreilles, chers auditeurs. Écoutez le premier mot. Confiné depuis 12 ans dans son diocèse, ce prêt-là y vieillissait sous le poids inutile de ses espérances et voyait les années s'écouler dans une égalité qui ne pouvait que le désespérer. Plus coquet que toutes les femmes, mais en solide et non en misère, sa passion était de plaire. Et il avait autant de soin de captiver les valets que les maîtres et les plus petites gens que les personnages. Il avait pour cela des talents faits exprès. Une douceur, une insinuation, des grâces naturelles et qui coulaient de source. Un esprit facile, ingénieux, fleuri, agréable, dont il tenait pour ainsi dire le robinet pour en verser la qualité et la quantité exactement convenables à chaque chose et à chaque personne. Il se proportionnait et se faisait tout à tous. Une figure fort singulière, mais noble, frappante, perçante, attirante. Un abord facile à tous. Une conversation aisée, légère et toujours décente. Un commerce enchanteur. Une piété facile, égale, qui n'effarouchait point et se faisait respecter. Une libéralité, bien entendue. Une magnificence qui n'insultait point et qui se versait sur les officiers et les soldats, qui embrassait une vaste hospitalité et qui, pour la table, les meubles et les équipages, demeurait dans les justes bornes de sa place. Également officieux et modeste, secret dans les assistances qui se pouvaient cacher et qui étaient sans nombre, leste et délié sur les autres jusqu'à devenir l'obligé de ceux à qui il les donnait et à le persuader. Jamais empressé, jamais de compliments, mais une politesse qui, en embrassant tout, était toujours mesurée et proportionnée, en sorte qu'il semblait à chacun qu'elle n'était que pour lui, avec cette précision dans laquelle il excellait singulièrement. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous lisons les mémoires de Saint-Simon cette semaine, lues par Daniel Mesguich, et aujourd'hui en compagnie du maître de conférence à l'université d'Artois, François Raviez, à qui l'on doit plusieurs anthologies de Saint-Simon lui-même, qui a co-dirigé normalement le tout Saint-Simon qu'on trouve en bouquin chez Robert Laffont. J'entends dans ce texte, alors précisons qu'avant ce passage, Saint-Simon évoque la disgrâce de Fénelon auprès du roi, à cause de la publication donc de Télémaque en 1699, que Louis XIV a vu comme une critique de la cour, mais j'entends dans ce texte rien, si ce n'est un éloge du personnage. Alors aidez-moi à le lire pour comprendre la distance peut-être qu'il y met, où se trouve ce petit point qui vous plaît tant et qui viendrait introduire la distance dans ce texte. Alors, François Raviez. Le portrait de Fénelon qu'on a entendu, c'est le portrait d'un séducteur, de toute évidence. Il possède au plus haut point la politesse aristocratique, c'est-à-dire une politesse capable de se doser, de se mesurer, qui répond exactement à chaque personne, selon son rang, selon son âge, selon ses privilèges. Donc Fénelon est un grand aristocrate, de toute évidence. Oui, mais, c'est aussi un ambitieux frustré. C'est un ambitieux, confiné, le mot sonne à nos oreilles de manière très particulière, depuis 12 ans dans son diocèse, donc qui est emprisonné à Cambrai, dont toute l'ambition finalement est retombée. Et le portrait nous dit que Fénelon est plus coquet que toutes les femmes, ce qui peut nous mettre déjà un petit peu la puce à l'oreille, mais surtout pour évoquer cette qualité aristocratique de se mettre au niveau de chacun, surgit dans le texte un mot bas, un mot trivial, un mot qu'on n'attendait absolument pas dans le portrait d'un grand dignitaire de l'Église de France, c'est le mot « robinet ». Il avait une douceur, une insinuation, etc., des grâces qui coulaient de source. Voilà l'image liquide qui commence à préparer le mot. Ces grâces coulent de source, mais, nous dit Saint-Simon, il en tenait, pour ainsi dire, le robinet pour en verser la qualité, la quantité exactement convenable à chaque chose et à chaque personne. Le mot « coquet » nous a d'abord un peu inquiétés. Le mot « robinet » n'est pas tout à fait à sa place dans le portrait d'un homme d'église de l'importance de Fénelon. C'est un portrait qui est tout en nuances, qui est tout en subtilité. Pourquoi ? Parce que Fénelon n'est plus à craindre. Donc on peut faire son éloge sans aucune difficulté, il ne reviendra pas de toute façon. On est dans la chronique de 1711, et dans ce portrait d'un homme qui n'est plus à craindre, Saint-Simon introduit un léger ferment d'ironie. Donc peut-on penser, par rapport à Fénelon, Saint-Simon garde encore une petite pointe de rivalité contre lui, qui se traduit précisément par ce mot robinet, et tout de suite après, le portrait devient extrêmement élogieux, comme s'il voulait se rattraper, évidemment, du mot. Donc, tout est dans le « pour ainsi dire », et le punctum, c'est précisément le surgissement de ce mot dans le portrait d'un homme d'église. Donc c'est ça, donc vous invitez à lire ces portraits comme on regarde un portrait, disons, au mur, un portrait peint. C'est le petit détail qui va vous donner envie de rester. C'est le petit détail autour duquel notre lecture va se construire. puisque nous sommes subliminalement influencés par un terme lexical qu'on n'attend pas. Et donc, on peut penser que tout l'éloge qui va suivre est un peu, mais très légèrement gâché par ce qui a été dit dès le départ. Donc, Saint-Simon sera d'autant plus positif, élogieux, et reconnaîtra d'autant plus les qualités de Fénelon, d'abord que Fénelon n'est plus à craindre, mais qu'il l'a, en quelque sorte, dès le départ, marqué avec un tout petit poinçon discret auquel le lecteur avisé aura bien sûr été sensible. Et comment il faut le comprendre? Alors, vous dites que c'est une sorte de rivalité, mais ancienne, puisque maintenant Fénelon n'est plus à craindre, mais quand même, ce choix du terme de robinet, c'est de la mesquinerie. Alors, c'est pas pour faire lire les lecteurs, parce que les textes sont publiés posthumes, donc j'imagine que c'est pas forcément à ça qu'ils pensent. J'ai l'impression que Saint-Simon a une mémoire émotionnelle, et qu'il n'a absolument rien oublié de ses émotions passées. Que ça vit toujours en lui, quand il rédige les mémoires sous leur forme définitive de 1739 à 1745, donc bien longtemps après la mort du roi, bien longtemps après son passage à la cour, qui s'arrête en 1723, il est toujours à la cour. Il a une mémoire qui, au lieu d'être oublieuse et de laisser retomber et disparaître tous ces personnages qu'il a vus, avec qui il a vécu, il a une mémoire qui les entretient, comme s'il ne pouvait pas se passer d'eux. Comme si tous ces êtres qu'il a fréquentés, qu'il a aimés, qu'il a détestés, contre qui il s'est battu, avec qui il est en rivalité, avec tous les enjeux politiques qu'il y avait derrière, tout ça est toujours omniprésent en lui. Le grand moment de son existence, c'est Versailles. Et ensuite, il le dit bien, on a l'esprit languissant de vie, dont se survit à soi-même. Mais pour se survivre à soi-même, il faut revivre en permanence, de manière presque obsessionnelle et passionnelle, tout ce qu'on a vécu, et revoir tous ces êtres qu'on a fréquentés, comme s'ils étaient toujours présents. Même les ennemis. On a l'impression qu'il les aime, tous ces personnages. Ils sont au cœur, vraiment, de sa psyché, et il a besoin de les écrire, parce que les écrire, c'est leur donner une dimension verbale, et il y a chez lui un tel plaisir, justement, de l'écriture, de toute évidence, que ce plaisir de l'écriture, c'est un plaisir de résurrection. Ah, vous allez jusque-là, de résurrection. De résurrection des morts de la cour. De ceux qui ne sont plus là, qui ne sont plus de rien, comme il dit, mais qu'il va convoquer. Alors, on va peut-être pas parler de danse macabre, mais dans une sorte de grand bal des morts, de grand bal des fantômes, et dont il serait en quelque sorte l'ordonnateur. Mais qu'est-ce qui l'intéresse le plus? Qu'est-ce qui le motive à écrire ces portraits? Le goût de l'histoire avec un grand H, dire la vérité sur ce qui s'est vraiment passé, ou le goût des histoires, des potins, des intrigues qui constituent aussi la cour de Louis XIV? Dans le livre de Dirk van der Cruys sur le portrait, il y a une très belle expression, il parle de l'étonnement anthropologique de Saint-Simon. Alors anthropologique, on entend par là tout un discours sur l'être, un discours sur l'homme, un discours sur le fonctionnement de l'individu dont Saint-Simon va pénétrer vraiment les arcanes. Mais en même temps, il y a une jubilation, bien entendu, de retrouver tous ces personnages. Et je retiens surtout le mot étonnement. Ouais. Il ne cesse de s'étonner que l'humain puisse être ainsi. Et que l'humain puisse être si complexe, si tortueux, si dissimulé, si caché. Alors, n'oublions pas qu'à la cour, on avance soigneusement masqué, comme aujourd'hui, finalement. Eh bien, lui, il va démasquer jusqu'à son point final. Il va démasquer tous ces êtres qu'il a vus autour de lui. C'est cet étonnement, finalement, qu'il fait vivre. C'est cette énergie de révéler l'intériorité. Et une intériorité qui est pratiquement sans fond chez certains êtres, qui est abyssale. Alors, il va aller très très loin. Quand il parle du duc d'Humaine, il va le comparer au démon. Le duc de Noailles est un démon aussi. Donc, il peut avoir des mots qui sont absolument énormes. Il va convoquer l'enfer pour certains personnages. Et quand il convoque pas l'enfer, mais il va chercher le robinet pour Fénelon. Mais est-ce qu'il y aurait un équivalent aujourd'hui de Saint-Simon? Un équivalent aujourd'hui de Saint-Simon, on aimerait bien le trouver. On aimerait bien le connaître. Oui, à mon avis, il y en a un, mais il écrit dans le secret. Il écrit dans le secret, il ne sera publié que dans 80 ans. Ah, ouais. Bonne manière de vous en sortir, François Raviez. Alors, deuxième portrait. Qui est Claude-Louis Hector de Villars, dont on va entendre le portrait? Maréchal de France, grand personnage de la cour, vainqueur ou semi-vainqueur à la Pyrrhus à Malplaquet en 1709, vainqueur à Denain, il sauve la France à sa manière, puisque on est en plein dans la guerre de succession d'Espagne. Alors Saint-Simon a pu le fréquenter, et pour lui, c'est un personnage intéressant parce que il montre ce que c'est que l'écorce, le masque, l'apparence. Et donc, l'écorce en un mot, pas l'écorce. Voilà, l'écorce en un mot, il va aller très très loin justement dans la révélation de celui qui, sous ses grands airs, n'est rien. Eh bien oui, vous le dites très bien. Voici donc le portrait de la, je sais pas, vacuité, l'incompétence de Villars, donc Claude-Louis-Hector de Villars, maréchal de France, par Saint-Simon. C'était un assez grand homme, brun, bien fait, devenu gros en vieillissant sans en être appesanti, avec une physionomie vive, ouverte, sortante et véritablement un peu folle, à quoi la contenance et les gestes répondaient. Une ambition démesurée qui ne s'arrêtait pas pour les moyens. Une grande opinion de soi qu'il n'a jamais guère communiquée qu'au roi. Une galanterie dont l'écorce était toujours romanesque. Grande bassesse et grande souplesse auprès de qui le pouvait servir, étant lui-même incapable d'aimer ni de servir personne, ni d'aucune sorte de reconnaissance. Une valeur brillante, une grande activité, une audace sans pareille, une effronterie qui soutenait tout et ne s'arrêtait pour rien, avec une fanfaronnerie poussée aux derniers excès et qui ne le quittait jamais. Assez d'esprit pour imposer au sot par sa propre confiance, de la facilité à parler, mais avec une abondance et une continuité d'autant plus rebutantes que c'était toujours avec l'art de revenir à soi, de se vanter, de se louer, d'avoir tout prévu, tout conseillé, tout fait, sans jamais, tant qu'il put, en laisser de part à personne. Son adresse consistait à faire valoir les moindres choses et tous les hasards. Les compliments suppléaient chez lui à tout. Mais il n'en fallait rien attendre de plus solide. Lui-même n'était rien moins. Toujours occupé de futilités quand il n'en était pas arraché par la nécessité imminente des affaires, c'était un répertoire de romans, de comédies et d'opéras dont il citait à tout propos des bribes, même aux conférences les plus sérieuses. Il ne bougea tant qu'il put des spectacles, avec une indécence de fille de ces lieux et du commerce de leur vie et de leurs galants, qu'il poussa publiquement jusqu'à sa dernière vieillesse, déshonoré publiquement par ses honteux propos. Son ignorance, et, s'il en faut dire le mot, son ineptie en affaires, était inconcevable dans un homme qui y fut si grandement et si longtemps employé. Un auteur de mémoire d'aujourd'hui, voulant sans trop en avoir l'air faire du Saint-Simon, pourra à la rigueur écrire la première ligne du portrait de Villars. C'était un assez grand homme brun, avec une physionomie vive, ouverte, sortante. Mais quel déterminisme pourra lui faire trouver la seconde ligne, qui commence par « est véritablement un peu folle ». La vraie variété est dans cette plénitude d'éléments réels et inattendus, dans le rameau chargé de fleurs bleues qui s'élance contre toute attente, de la haie printanière qui semblait déjà comble, tandis que l'imitation purement formelle de la variété n'est que vide et uniformité, c'est-à-dire ce qui est le plus opposé à la variété et ne peut, chez les imitateurs, en donner l'illusion et en rappeler le souvenir que pour celui qui ne l'a pas comprise chez les maîtres. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. C'est Proust ici qui nous donne la clé de lecture, François Ravier, ce punctum, cette petite pointe, ce détail qui tue, qui nous fait revenir au texte, dans l'extrait des Jeunes filles en fleurs que je viens de lire, les quelques lignes, hein, il dit bien, il parle de cette seconde phrase qui commence par « est véritablement un peu folle ». Pourquoi cette phrase en particulier ? Tout est dans cette parenthèse. On a l'impression que le portrait s'ouvre d'un seul coup et Saint-Simon fait irruption. Tout est dans les adverbes. Les adverbes sont la marque, en quelque sorte, de la présence du mémorialiste, de la présence de l'historien dans le portrait de Villars. Alors, si on regarde d'un petit peu plus près ces adverbes, qu'est-ce qui lui permet de dire que sa physionomie est folle, véritablement un peu folle? On est dans l'art de la nuance. De la nuance, oui, dans l'excès, ou l'excès dans la nuance. Oui, véritablement et un peu. Oui. Voilà. Puisque véritablement s'oppose à un peu, mais en même temps, on a l'impression que Saint-Simon est capable de qualifier exactement le degré, la quantité et la qualité de la folie de Villars. Donc, il se permet un jugement, véritablement, hein, mais en même temps, il tempère son propre jugement. comme s'il éprouvait une sorte de léger remords du véritablement. Donc le véritablement va être équilibré par le un peu, puisqu'il sait que une physionomie folle, c'est déjà excessif. Véritablement, ça la rend excessivement excessive. Donc il va régler le curseur de manière à bien faire entendre l'humeur dans laquelle il se trouve, c'est le véritablement, c'est le « et », c'est cette parenthèse qui s'ouvre d'un seul coup, mais il va tempérer son humeur. Et en fait, le portrait va se développer à partir de cette « folie », entre guillemets. Et les traces de cette folie dans l'ensemble du portrait, ce sera le recours au romanesque. Il est fou parce que c'est un homme de chimère, parce que il vit dans un autre monde. Rappelons quand même que c'est un maréchal de France, que c'est un grand militaire, que ça n'est pas absolument n'importe qui, que Villard n'est certainement pas sans qualité dans son domaine militaire. Mais Saint-Simon, en faisant un personnage romanesque, le déconsidère. Le déconsidère totalement parce qu'il y a chez lui une condamnation totale du roman. Le roman, c'est l'artifice, c'est le mensonge, c'est le divertissement. Ça n'est pas le travail de l'historien qui est de dire la vérité. Et donc voilà, Villard qui a certainement une valeur brillante, mais qui est en même temps, parce que le portrait va crescendo dans l'assassinat, un répertoire de romans et qui est in fine un véritable débauché. Alors pour Saint-Simon, bien entendu, là, c'est tout à fait péjoratif. Et c'est de Villard qu'il dira, en associant en quelque sorte la gloire du personnage, le renom du personnage, l'aura à la cour du personnage, qui est un très grand homme, et Saint-Simon dira et écrira, « Le nom qu'un infatigable bonheur lui a acquis pour des temps à venir m'a souvent dégoûté de l'histoire. » Eh bien, c'est ce mouvement d'humeur qu'il laisse entendre dès la deuxième ligne qui avait séduit Proust dans les adverbes « véritablement un peu folle ». C'est un phénomène, ce personnage. C'est un phénomène romanesque, c'est un fanfaron, donc c'est un homme de théâtre, c'est un homme de répertoire. Et en l'interprétant évidemment par la fiction, il le déconsidère totalement. Il n'a rien, dit-il, de solide. Là, on peut laisser entendre quand même que de la part de Saint-Simon, il y a une très forte dose de mauvaise foi. Ah voilà, c'est ça. De vous mauvaise parlez foi. D'humeur, de mauvaise foi, voilà, c'est que là, il se laisse On a envie de lui dire, mais qu'est-ce qui vous permet, monsieur le duc, d'être aussi négatif devant le maréchal de Villard? Et donc et Saint-Simon s'est posé la question à plusieurs reprises. Il s'est demandé, mais qu'est-ce qui m'autorise ainsi à être aussi mauvais par rapport à mes personnages? Et il y a dans les mémoires toute une réflexion, toute une méditation sur la charité. Il faut jamais perdre de vue que cet homme qui est un peintre... Qui ne transparaît pas dans ce texte hein. Qui manque effectivement de charité et qui pourtant l'obsède. Puisque à trois reprises dans l'élaboration des mémoires, il se pose cette question du droit que l'on a ou non de ne pas aimer son prochain, ou plutôt de l'aimer globalement, mais en même temps, par rapport à chaque individu, de l'habiller pour l'hiver et d'être particulièrement tonique et toxique par rapport à certains individus. Et bien entendu, il va se trouver un argument qui est absolument nécessaire. L'historien doit accuser, etc., les méchants. Voilà, il faut pas laisser... C'est un alibi. C'est peut-être un alibi, mais pour un chrétien, ça a du sens de se dire que les mauvais, les méchants, etc., il faut les dénoncer, le but étant de nous donner des exemples, afin que nous soyons prêts, effectivement, à reconnaître autour de nous, dans notre vie, les méchants et les mauvais. Mais la charité peut-elle s'accommoder du récit de tant de passions et de vices, de la révélation de tant de ressorts criminels, de tant de vues honteuses et du démasquement de tant de personnes pour qui, sans cela, on aurait conservé de l'estime ou dont on aurait ignoré les vices et les défauts? Une innocente ignorance n'est-elle pas préférable à une instruction si éloignée de la charité? Et que peut-on penser de celui qui, non content de celle qu'il a prise par lui-même ou par les autres, la transmet à la postérité et lui révèle tant de choses de ses frères, ou méprisables, ou souvent criminels. Ce à quoi il répond lui-même, « Nous ne devons pas craindre, mais chercher à connaître les hommes, bons et mauvais pour n'être pas trompés, et sur un sage discernement régler notre conduite et notre commerce, puisque l'une et l'autre est nécessairement avec eux, et dans une réciproque dépendance les uns des autres. Et enfin, connaissons donc tant que nous pourrons la valeur des gens et le prix des choses, la grande étude est de ne s'y pas méprendre au milieu d'un monde la plupart si soigneusement masqué, et comprenons que la connaissance est toujours bonne, mais que le bien ou le mal consiste dans l'usage que l'on en fait. » Voilà, ça c'est le préambule où l'on voit Saint-Simon, que pour Saint-Simon, le portrait engage son auteur. Alors d'abord vis-à-vis de sa propre conscience d'écrivain, ai-je le droit, n'ai-je pas le droit, je me donne le droit bien entendu, mais aussi de ses semblables, mais aussi finalement de Dieu lui-même. Car le robinet qui nous fait sourire dans le portrait de Fénelon, ce robinet, il coule si j'ose dire, et il est écrit sous le regard de Dieu. Mmh. Après tout, au moment de comparaître, Saint-Simon pourra toujours dire à Saint-Pierre, bien entendu, j'ai parfois été peut-être un peu langue de vipère, mais c'était pour le bien des êtres humains, c'était pour le bien de mes semblables, c'était pour les prévenir. Il joue un rôle d'inquisiteur. Les mémoires sont écrites par un chrétien, il ne faut jamais l'oublier, même avec toute la verve qu'il a, il reste un homme de scrupules, il reste un homme de doute par rapport à lui-même et d'interrogation sur lui-même. Bon, mais ça, est-ce qu'on peut le prendre au mot? Est-ce que ce n'est pas, dans quelle mesure, est-ce que c'est pas, là encore, un alibi est le terme qui me vient le plus à l'esprit, parce que finalement, tout ce qu'il écrit démontre l'inverse. Donc, faut-il le croire? C'est comme lorsque Rousseau dit qu'il ne dira que la vérité. Il y a bien des moments où on a envie de questionner cette entreprise de vérité. C'est pareil avec Saint-Simon, quand même. Saint-Simon ne cesse de dire qu'il dit la vérité. Oui. Saint-Simon ne cesse de répéter que la vérité qui fut toujours ma maîtresse, qui fut toujours ma volonté la plus chère, etc. Bah, il dit aussi, ses mémoires ne sont pas faits pour y rendre compte de mes sentiments. En les lisant, on les sentira que trop si jamais, après moi, ils paraissent. Or, ces sentiments, ces humeurs, on les voit, on les lit. Ces sentiments sont dans la langue. Ces sentiments ne sont pas dans la première personne, qui se mettrait en scène de manière un peu cabotine. On n'est pas du tout chez Rousseau. Ces sentiments, ils sont présents dans un adverbe, dans un adjectif. Ils sont présents dans une structure de phrase. Ils sont présents dans le choix d'un mot. Il a réussi à faire finalement un portrait qui n'existe pas dans les mémoires de Saint-Simon, c'est le portrait de Saint-Simon lui-même. Mmh. La totalité des portraits de Saint-Simon, c'est un autoportrait de Saint-Simon en filigrane, subliminalement, à travers l'image qu'il donne d'autrui. On voit le très ténu, très léger reflet de l'historien en train de décrire les personnages qu'il a connus. Il emploie la première personne du singulier lorsqu'il dépeint des portraits ou lorsqu'il raconte des... C'est extrêmement rare. Ouais. C'est extrêmement rare. Et il faut véritablement qu'on soit dans une sorte de stratégie interne particulière pour qu'il dise « je » dans un portrait. Et il faut, on va s'en rendre compte, je pense, dans quelques instants. Mais... On y va vers ce troisième portrait. Vous êtes prêts? Allons-y. On en parle avant ou on l'écoute comme ça? On va l'écouter. Voilà, voici donc le portrait de la duchesse du Berry. Cette princesse était grande, belle, bien faite, avec toutefois assez peu de grâce, et quelque chose dans les yeux qui faisait craindre ce qu'elle était. Elle n'avait pas moins que père et mère le don de la parole, d'une facilité qui coulait de source, comme en eux, pour dire tout ce qu'elle voulait et comme elle le voulait dire, avec une netteté, une précision, une justesse, un choix de termes et une singularité de tour qui surprenait toujours. Timide d'un côté en bagatelle, hardie d'un autre jusqu'à effrayer, hardie jusqu'à la folie, basse aussi jusqu'à la dernière indécence. Il se peut dire qu'à l'avarice près, elle était un modèle de tous les vices, qui était d'autant plus dangereux qu'on ne pouvait pas avoir plus d'art ni plus d'esprit. Je n'ai pas accoutumé de charger les tableaux que je suis obligé de présenter pour l'intelligence des choses, et on s'apercevra aisément combien je suis étroitement réservé sur les dames et sur toute galanterie qui n'a pas une relation indispensable à ce qui doit s'appeler important. Je le serais ici plus que sur qui que ce soit par amour-propre, quand ce ne serait pas par respect du sexe et dignité de la personne. La part si considérable que j'ai eue au mariage de Madame la Duchesse de Berry, et la place que Madame de Saint-Simon, quoique bien malgré elle et malgré moi, a occupée et conservée auprès d'elle jusqu'à la mort de cette princesse, serait pour moi de trop fortes raisons de silence, si ce silence ne jetez pas des ténèbres sur toute la suite de ce qui fait l'histoire de ce temps, dont l'obscurité couvrirait la vérité. C'est donc à la vérité que je sacrifie ce qu'il en va coûter à l'amour-propre, et avec la même vérité aussi, que je dirais que si j'avais connu ou seulement soupçonné dans cette princesse une partie dont le tout ne tarda guère à se développer après son mariage, et toujours de plus en plus depuis, jamais elle n'eût été duchesse de Berry. Thank you. à propos de ce portrait, François Ravias, je ne sais pas s'il faut partir d'un détail qui tue ou d'un punctum en particulier, tellement c'est l'intégralité du portrait non, qui frappe par sa, j'ai envie de dire, sa méchanceté, mais peut-être ai-je tort. Elle avait quelque chose dans les yeux qui faisait craindre ce qu'elle était, mais Saint-Simon ne l'a pas vu. C'est un des très très très rares moments où il se met en scène dans un portrait en nous disant « je me suis trompé ». Et donc c'est le récit d'un échec d'amour propre extrêmement cuisant. Moi qui ai un fluide pour connaître les individus, moi qui lis à travers les visages, je n'ai pas vu du tout venir la catastrophe du mariage du duc de Berry. Alors il faut préciser que Saint-Simon est l'instigateur de ce mariage, puisque alors la duchesse de Berry, qui n'est pas encore duchesse de Berry, qu'on appelait mademoiselle et qui était surnommée à la cour Joufflotte. Personnage qui n'est pas encore un personnage, si je puis dire, avant son mariage, qui est la fille du duc d'Orléans, donc régent. Hein, et avec qui Saint-Simon s'entendait bien. Avec qui Saint-Simon s'entendait très bien, puisqu'il a été élevé avec lui. C'est son ami d'enfance, plus ni moins. Et donc, la future duchesse de Berry a réussi à tromper tout le monde. Malgré mon fluide, nous dit-il, malgré ma proximité avec les Orléans, ma proximité avec mademoiselle, puisque ce sont des gens qu'il fréquente, et même... tout ce qu'il a pu entendre à la cour, elle les a tous bernés. Et donc Saint-Simon dit, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Non seulement je me suis fait avoir, mais j'ai commis une erreur historique, puisque la gentille Joufflotte va devenir une princesse totalement incontrôlable, ayant des amants, abusant de l'alcool, étant... comment dirais-je, un personnage que même le duc de Berry va se mettre à détester totalement, puisque un peu avant sa mort, Saint-Simon nous dit qu'il était prêt à aller retrouver le roi, son grand-père, en lui demandant « mais débarrassez-moi d'elle ». Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il se trouve que peu après le mariage, elle révèle sa vraie nature, alors cette vraie nature que personne n'a compris. Et donc le quelque chose dans les yeux qui faisait craindre ce qu'elle était est comme un indice dès le départ, puisque le portrait commence par un éloge et dérive tout de suite vers une mise. Oui, il y a trois termes. Elle était grande, belle, bien faite, voilà, avec toutefois... assez peu de grâce et quelque chose dans les yeux. Donc, on a des nuances. Et puis, d'un seul coup, le barrage craque, les nuances s'évaporent, puisqu'elle est hardie jusqu'à effrayer, elle est hardie jusqu'à la folie, elle est basse jusqu'à la dernière indécence. Et il dira dans un autre passage du portrait que non seulement c'était un modèle de tous les vices, mais qu'elle possédait tous les vices de l'âme, du cœur et du corps. Mais ça la rend presque passionnante, non? Ça la rend presque passionnante. On peut également se dire qu'on a affaire à une malheureuse, finalement, qui profite de sa situation, qui profite d'être une éventuelle reine de France. Si le duc de Berry avait régné, ça aurait été une reine de France. On aurait assisté certainement à quelque chose de très intéressant dans l'histoire. En fait, Saint-Simon va assister à un naufrage. Et ce naufrage, c'est lui qui l'a provoqué. Mais peut-on y voir aussi, au-delà des reproches qu'il a à faire à la duchesse de Berry et qu'il s'adresse à lui-même, puisqu'il n'a pas vu dans son regard ce qu'il fallait craindre, un jugement qui concerne plus généralement la gente féminine, parce qu'il lui dit « on s'apercevra aisément combien je suis étroitement réservée pour les dames et sur toute galanterie qui n'a pas une relation indispensable à ce qui doit s'appeler important ». Je ne suis pas sûre de bien comprendre cette phrase, mais je sens qu'il y a quelque chose à comprendre, François Ravias. Oui, parce que Saint-Simon est certainement un homme de ragot et un homme de potin, mais il limite au maximum tout ce qui est potin sentimental. Donc les dames, là, c'est potin sentimental, en fait. C'est ça potin que ça veut sentimental. Dire. Voilà, donc ça n'a pas une grande importance pour comprendre l'histoire. Bon. Même si certaines aventures sentimentales ont été particulièrement déterminantes pour l'histoire de France, il y a beaucoup de pudeur chez Saint-Simon quand il parle des femmes. Il y a beaucoup de distance. Et quand il parle d'une galanterie qui n'a pas une relation indispensable à ce qui doit s'appeler important, ce qui doit s'appeler important, c'est la compréhension de l'histoire. C'est la compréhension des événements. C'est la morale, la philosophie qu'on tire des événements. C'est la leçon politique de l'événement. Donc, il y a en lui un pédagogue. Et les histoires de femmes sont considérés avec une sorte de dédain parce que, généralement, pour lui, ça ne rentre pas dans la grande histoire de France. Et pourtant, il a dû en entendre énormément. Et il nous frustre à chaque fois de nous dire « Vous savez, je pourrais vous en raconter bien plus. Vous savez, si vous saviez tout ce que j'ai appris, en particulier sur la duchesse de Berry, je pense qu'il aurait été intarissable. » Mais il s'autocensure. Voilà. Il refuse d'en parler. Non, c'est même pas un refus. C'est non, il faut pas en parler puisque de toute façon, si j'en parle, c'est de mon propre échec, c'est du propre naufrage de ce mariage que je vais devoir parler. On trouve quand même ailleurs dans le texte d'autres détails croustillants autour de cette duchesse de Berry. Je pense notamment au passage où il raconte ses particuliers journaliers et sans fin avec monsieur le duc d'Orléans et où tout languissait pour le moins quand il y était en tiers, le mettait hors de ses gonds. Il y eut entre eux des scènes violentes et redoublées. La dernière, qui se passa à Rambouillet par un fâcheux contretemps, attira un coup de pied au cul à la duchesse de Berry et la menace dans un couvent pour le reste de sa vie. Oui, il nous raconte également. Voilà, que, il se fait plaisir quand même. Il nous raconte également qu'elle avait trop bu avec son père un soir et qu'elle rentre au château totalement ivre morte et vociférant et vomissant sur elle et il faut absolument la cacher, la dissimuler. Et donc les valets s'emparent de sa personne pour la transporter jusqu'à ses appartements. Et, malgré lui, il a laissé passer quelques anecdotes. Oui, pour anecdotes. Quelqu'un qui n'aime pas les ragots, voilà. Et il s'y donne quand même à cœur joie. Surtout qu'il était aux premières loges puisque Madame de Saint-Simon, sa femme, la duchesse, était dame d'honneur de la duchesse de Berry. Alors, Madame de Saint-Simon, qu'on avait surnommée à la cour Sainte-Sévère, qui est aux antipodes du personnage de la duchesse de Berry, et qui a dû assister à toutes sortes de scènes féliniennes, et Saint-Simon a dû évidemment en entendre parler. Donc, il va doser le robinet des anecdotes, si je puis dire, quand il parle de la duchesse de Berry. Mais si on lit bien les portraits de la duchesse, on devine quand même une part de compassion chez lui. C'est un être égaré, c'est un être perdu. Évidemment, c'est une catastrophe familiale, généalogique et historique. Mais en même temps, c'est toujours le chrétien qui parle et qui revient sur ce personnage, qui revient sur ce mariage pour nous dire c'est un échec, bien entendu, mais c'est une libération au fond quand elle meurt en 1719. Et il nous montre la douleur du régent, il nous montre la douleur du père qui vient de perdre sa fille préférée. Donc, bien sûr, c'est un portrait au noir, c'est une sorte de mise en cause de la duchesse, de mise en scène de la duchesse et de lui-même. Mais il ne faut pas oublier que cela peut servir à l'histoire de France et que quelque part, il y a beaucoup de scrupules, encore quand il en parle chez lui, et il ne perd pas de vue la dimension morale du personnage. Alors, bien sûr, elle est excessive, mais d'autres sont tout aussi excessifs. Il y a d'autres débauchés à la cour. Et le problème, c'est qu'elle est débauchée à la cour, mais qu'elle appartient au premier cercle de la famille royale. C'est ça le problème. Alors que d'autres personnages qui mènent une vie tout à fait légère et libre, ça n'attire que son dédain, son mépris, il les tient à distance. Mais elle, il faut bien en parler, justement. Et alors le signe de débauche, c'est le signe, justement, de ce quelque chose d'un peu fou qu'elle avait dans les yeux et qui la rend, finalement, absolument inapte à être dans le rôle qu'elle aurait dû tenir. Et c'est ça, justement, en quelque sorte, le problème. Elle n'a pas joué le jeu. Elle n'a pas tenu le rôle qu'elle aurait dû avoir dans l'histoire auprès du duc de Berry. Et là, évidemment, elle est partie en vrille, comme on dit maintenant. Bon, alors pour lui, bien entendu, le péché, il est là. Vous parlez de morale. Dans quelle mesure est-ce que les portraits de Saint-Simon ressemblent parfois au caractère de la Bruyère, par exemple, à ces portraits de moralistes qui croquent ainsi l'esprit et les caractères, à proprement parler, des individus? Alors, il faut signaler que Saint-Simon fait mention de la mort de la Bruyère, et qu'il a pour lui un peu plus que de l'estime. Oui, c'est ça. Le public perdit bientôt après un homme illustre par son esprit, par son style et par la connaissance des hommes. Je veux dire la Bruyère, qui mourut d'apoplexie à Versailles, après avoir peint les hommes de notre temps dans ses caractères d'une manière inimitable. De manière inimitable, il faut le dire également que ce que nous appelons les portraits de Saint-Simon, ce sont pour lui des caractères. C'est-à-dire, c'est le caractère de Louis XIV, c'est le caractère de Fénelon, et il va le mettre en marge du manuscrit, il va bien noter le mot caractère. Ah, d'accord. Ce qui est une manière de reprendre non seulement le mot de l'époque, caractère signifiant portrait, mais également de mettre une petite touche de la Bruyère dans l'intérieur même de son récit historique. Donc je pense qu'il avait beaucoup d'admiration pour la Bruyère et que cette admiration se retrouve dans ses propres portraits, à la seule différence c'est que la Bruyère utilise des pseudonymes et que lui décrit des êtres réels. Mmh. Donc la Bruyère se cache, tisse ses portraits derrière un nom plus ou moins grec, plus ou moins latin, alors que Saint-Simon donne les noms bien entendu, mais la grande différence c'est que Saint-Simon n'écrit pas pour être publié immédiatement, il écrit pour être lu et publié des dizaines d'années plus tard. Alors que la Bruyère, évidemment, c'est dans toutes les poches à l'époque, c'est dans toutes les bonnes bibliothèques. Donc, il est à sa manière un successeur de La Bruyère. Et les caractères de Saint-Simon, ce sont les différents portraits. Alors, on peut préciser également que les portraits interviennent par rafale dans le texte des mémoires. Il y a très peu de portraits totalement isolés. C'est la mort d'un personnage associé à la mort d'autres personnages de la même époque qui fait qu'il va donner une série de 5, 6, quelquefois 10, 12 portraits. Voilà, il y a des éléments déclencheurs, vous voulez dire. Il y a des éléments déclencheurs qui sont la mort des personnages. Essentiellement. Quelqu'un est mort et on fait la liste des morts et à chaque fois on donne le caractère de la personne qui vient de disparaître. Voilà. Donc ça met une espèce de côté morbide finalement dans le portrait de Saint-Simon puisque c'est le masque mortuaire en fait du personnage qui intervient immédiatement à l'intérieur de la narration. Et toujours de manière chronologique. Et avec une très grande stratégie également, puisque ce qu'on apprend dans le portrait nous sert à comprendre ce qui avait été dit auparavant dans la chronique et va éclairer ce qui va suivre également dans la chronique. Donc c'est toujours de l'histoire. Mais c'est de l'histoire à bas bruit à travers un individu, à travers l'image de l'histoire dans l'individu lui-même. Et donc c'est cette histoire que Saint-Simon va retrouver dans La Duchesse de Berry, dans Villard, dans Fénelon, des bribes de l'histoire du passé qui va ensuite réorchestrer, reprendre, redévelopper à l'intérieur de la chronique strictement historique. Donc le portrait n'est absolument pas un exercice de style inutile où il se ferait plaisir en racontant un personnage. Mmh. Il est puissamment intégré dans le réseau des mémoires, dans le réseau du récit des mémoires. On ose à peine dire avec un mémorialiste comme lui qu'il y a quelque chose de profondément romanesque dans cette technique. Puisque celui qui a très bien utilisé cette technique aussi du portrait qui irradie en quelque sorte dans le récit, c'est Balzac. Qui est un lecteur de Saint-Simon. Qui est un lecteur de Saint-Simon, comme tous les romantiques, qui voient arriver les mémoires de Saint-Simon en 1830 comme une sorte d'objet inconnu, d'objet littéraire non identifié. Et ils en sont tous absolument passionnés. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne parle plus de Saint-Simon alors ? Enfin, on ne parle plus, vous en parlez régulièrement, j'imagine, vous passez votre vie avec Saint-Simon. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes en train de le faire, mais on ne peut pas dire qu'il ait la même postérité qu'il avait au 19e. Peut-être la grande difficulté, c'est peut-être d'entrer dans le système de la cour, pour reprendre l'expression de Leroy Ladurie, c'est-à-dire une autre façon d'être. On est encore très proche des ans de 1830, on a encore en nous quelque chose de profondément 1830, tandis que la cour de Louis XIV, c'est tout un monde lointain, premièrement. Et puis, il y a quand même pas mal d'éléments d'histoire de France qui interfèrent, il y a beaucoup de généalogie chez Saint-Simon, je pense que Saint-Simon fait peur. Il fait peur parce que c'est trop long, les pages sont très très denses, vous avez des pages sans alinéa du tout, donc ce sont des blocs de texte. Et à l'époque du texto, évidemment, les mémoires de Saint-Simon, c'est aux antipodes. Et donc c'est peut-être un auteur qui demande une approche progressive. Et effectivement, pour rentrer dans ce monstre littéraire, les portraits, c'est un bon moyen justement d'accéder ensuite au récit historique et après de suivre le récit historique dans toutes ses variations. Et les lecteurs de Saint-Simon finissent par adorer les généalogies. Oui, c'est l'époque des textos, c'est aussi l'époque des séries télévisées où on revient justement jour après jour, on reprend le fil d'un récit, on peut lire Saint-Simon de cette manière-là. Hein. On peut le lire de cette manière-là. Il faut accepter de donner un peu de son temps quand on lit Saint-Simon et il faut accepter de passer par les personnages. Et quand on passe par les personnages, on rentre dans la vie, on rentre dans la vie même de Versailles, on rentre dans les mœurs du temps, on rentre dans des pratiques qui nous sont très lointaines. Mais tous ces êtres, finalement, ressentent le monde, vivent le monde avec une très grande ressemblance avec ce que nous sommes. Nous sommes toujours comme eux, ils sont déjà comme nous. Et donc, peut-être pour rentrer dans Saint-Simon, il faut pratiquer une sorte d'empathie critique par rapport à tous ces êtres. Il faut accepter de penser du mal de son semblable. Vous croyez que c'est si difficile que ça ? Peut-être ce sera facile pour certaines personnes, effectivement, oui. En tout cas, Saint-Simon s'est auto-autorisé à penser du mal de son semblable et à en dire. Alors, est-ce que c'est une raison pour que nous l'imitions ? Je pose simplement la question. Ben moi, je voulais retourner cette question, parce que c'est vous qui passez tout votre temps avec Saint-Simon. Est-ce qu'il faut, pour aimer Saint-Simon, avoir ce goût-là de la médisance ? Qui n'a pas le goût de la médisance ? Ben, c'est en tout cas, même quand on subtil, referme... Même légère, à moins de vivre dans un bocal. Mais comme nous ne sommes pas des poissons rouges, nécessairement, nous pensons quelque chose des gens que nous fréquentons et qui est autour de nous. Donc, tout microcosme humain devient la cour de Versailles. Tout microcosme dans, on ne va pas dire dans l'université, bien sûr, mais dans l'entreprise, dans la famille. Pourquoi pas dans l'université? Oh non, parce que c'est le seul lieu où la médisance ne fonctionne pas. C'est bien connu. N'existe pas. Et je ne suis pas médisant en disant ça, bien entendu. Mais, d'ailleurs, vous n'êtes pas universitaire. Absolument, puisque je suis lecteur de Saint-Simon. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une école de lecture des êtres aussi, Saint-Simon. Ça nous dit, vous savez, dans ce que vous voyez, dans ce que vous entendez d'autrui, il y a toujours autre chose. Il y a toujours plus. Il y a toujours quelque chose d'un peu fou, peut-être. Les gens ont quelque chose dans les yeux qu'il faudrait que vous appreniez à lire. Nous sommes tous des duchesses de Berry. En tout cas, nous pouvons tous être, d'une certaine manière, des mémorialistes de notre propre vie et des mémorialistes de notre propre temps. Il suffit d'avoir de bons yeux. Voilà, avoir de bons yeux pour lire Saint-Simon et pour lire nos semblables, ce qu'il a fait. Tout Saint-Simon, c'est un ouvrage que vous avez co-dirigé avec Marc Hersant et sous direction de Marie-Paul de Vert-Pilorge, qu'on trouve aux éditions Robert Laffont. C'est une bonne manière de se plonger dans Saint-Simon. Vous avez aussi fait un livre sur Saint-Simon avec un titre qui a beaucoup interpellé. Je crois que le livre a eu un franc succès à l'époque. Hein. « Cette pute me fera mourir, intrigue et passion à la cour de Louis XIV ». On trouve ça au livre de poche. Vous avez proposé d'autres anthologies. Bref, on peut lire Saint-Simon grâce à vous, François Ravier. Je rappelle, vous êtes maître de conférence à l'université d'Artois. Votre bibliographie sera en ligne sur les sites des Chemins de la Philosophie. On se quitte avec un duc, c'est le duc de Bordeaux, de Francis Blanche. Le duc de Bordeaux ressemble à son père qui était un illustre boxeur, et le duc a gardé certaines manières qui choquent beaucoup tous les autres seigneurs. Il essuie ses pieds sur les tapisseries de monsieur le duc d'Angoulême. Au dîner du roi, quand on sert du riz, il trempe ses doigts dans la crème. Le duc de Bordeaux a pris l'habitude de brûler ses femmes dans un vaste fourneau. De là, je conclus que le duc de Bordeaux ressemble à Landru comme deux gouttes d'eau. Mesdames, voilà un beau visage. Oh, messieurs, conservez-en l'image. Voilà un beau visage français. Il est du pays de Molière et de Rabelais. Le duc de Bordeaux ne boit que du Bourgogne, mais le duc de Bourgogne, lui, ne boit que de l'eau. Ils ont aussitôt échangé sans vergogne un verre de Bourgogne contre le port de Bordeaux. Oh, ce traité idiot nous démontre un truc, c'est que le vin déforme l'histoire, et que les eunuques qui éduquent les ducs doivent leur enseigner à ne pas boire. Le duc de Bordeaux ressemble à son père à son frère, et son frère à Montaigne, si bien qu'on ne sait plus ce qui est le plus beau, le duc de Montaigne ou les essais de Bordeaux. Oh, ah, mesdames, voilà un beau visage. Oh, messieurs, conservez-en l'inadre. Voilà un beau visage français. Il est du pays de Voltaire et de Musset. Le duc de Bordeaux n'aime pas la guerre, mais hélas, la guerre aime le duc un peu trop. Si bien qu'à Bordeaux, où la paix ne dure guère, pour un jeune héros, il y a 20 généraux. Il est à major de dresser des plans pour attaquer le duc de Senlis, et puis brusquement laisse tout en plan quand les cerisiers refleurissent. Mais il est bien court le temps des cerises, et les généraux reprendront leur boulot. De là, je conclus que le duc de Bordeaux, vainqueur ou vaincu, il laissera sa peau. Mesdames, voilà le vrai courage. Oh, messieurs, conservez-en l'image. Voilà un beau visage français. Il est du pays de Madame Mignot-Drouet. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la question philo d'Aurélien Mélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Je demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, elle est fondamentale. Pourquoi les chaises existent? Alors pour faire métaphysique, il y a un demi-siècle, il suffisait au théâtre de disposer deux ou trois chaises vides sur la scène et le public était émerveillé par la densité du décor, par son intensité spirituelle. Des chaises vides, c'est peut-être ce par quoi, spirituellement, les églises nous atteignent le plus. La symbolique de la chaise, c'est vraiment quelque chose qui nous parle au cœur et à l'esprit. L'homme de Vitruve, aujourd'hui, serait représenté assis. Le designer, disons depuis Stark, a d'ailleurs succédé au peintre en tant que représentant de l'artiste total, et l'homme réconcilié dont il rêve, c'est désormais un homme assis sur l'une de ses chaises. Posturalement, il n'est pas certain cependant que la position assise soit excellente, l'accroupissement a d'excellents sectateurs. Cela fait plus de 10 ans aussi que je ne travaille qu'allongé. Donc la chaise pourrait disparaître, c'est ça ? Alors j'ai longtemps médité sur cet aphorisme d'Éric Chevillard, se demandant si un objet aussi nécessaire, aussi évident que la chaise, pourrait encore être inventé. Je crois qu'il l'a été, en réalité, et qu'il s'agit du smartphone. Smartphone dont l'un des effets secondaires est d'ailleurs de nous permettre, en travaillant dans n'importe quelle posture, de nous passer de chaise. Dans une nouvelle d'inspiration lovecraftienne, Borges parvient à nous terrifier en décrivant non pas la créature qui s'est enfermée dans une estancia reculée, mais en racontant seulement l'effroi de son narrateur devant le mobilier monstrueux de celle-ci. Vous voulez dire que nos chaises pourraient nous apparaître monstrueuses ? Des chaises qui pourraient nous apparaître carrément comme des instruments de torture. Une torture particulièrement cruelle qu'on appellerait l'école. Non mais là vous exagérez. J'exagère un peu, mais est-ce que vous avez déjà essayé, adulte, de vous glisser dans un pupitre d'écolier ? Ça s'appelle une réunion parents-professeurs, j'en arrive, et ce n'est pas loin d'être ce qu'il y a de plus douloureux dans le métier de parent. Et les fauteuils de théâtre, y a-t-il vraiment des gens, en ce moment, à qui il manque, sincèrement ? Et les amphis de fac, avec leurs tablettes articulées asymétriques, ce ne sont pas des amphis, mais des séances de bizutage. Qui peut sincèrement croire, enfin, que sénateur est un métier de rêve, alors qu'on a encore moins de place pour mettre ses jambes au palais du Luxembourg que dans un carré TGV. La vie moderne ressemble à un jeu de chaises musicales inversées où le perdant serait celui qui se retrouverait assis. D'ailleurs, ma montre ne supporte pas de me voir assis trop longtemps et bip toutes les heures pour que je me lève. Ah, c'est ça le bruit que j'entends. Mais alors vous pensez vraiment que les chaises sont moins utiles que les montres connectées ? Il y a clairement ici un conflit entre deux autorités concurrentes, mais je crois que oui, c'est la plus douce qui va l'emporter. Notre corps est mieux fait pour porter des bracelets que pour se casser en trois segments orthogonaux. Ce qui est bizarre, c'est que les objets connectés ont trouvé leur Foucault presque instantanément, alors que les chaises, un biopouvoir à elles seules, demeurent perçues avec beaucoup d'indulgence. Donc après la politique de la chaise vide, vous préconisez la chaise vide comme utopie politique. Auquel cas, nos villes seraient déjà utopiques. Même pas besoin de descendre jusqu'au fauteuil pop et fascistoïde du métro, ces fameux fauteuils sur lesquels il est impossible de s'endormir, à la surface non plus. Il n'y a presque plus de bancs, on les remplace, au mieux par des plots expérimentaux. Il ne s'agit plus vraiment aujourd'hui de mobilier urbain, d'ailleurs, qui parle encore de ville. Ce sont des laboratoires de la mobilité. Ce serait idiot de s'y asseoir, on passerait à côté du concept. C'est ainsi que la nouvelle place de la République a spontanément donné naissance au mouvement Nuit Debout. Bon, mais sérieusement, vous pensez que la fin des chaises pourrait être une revendication politique ? Alors j'ai découvert, tout près de chez moi, ultime itération de la chaise et fierté municipale, deux strapontins marronnasses à l'assise incertaine. Je me suis approché, prudemment. Leur couleur venait de la matière utilisée, une sorte de bois synthétique en vieux mégot de cigarette. Pour donner une idée de la chose, je crois que je préférerais boire l'eau d'un cendrier plutôt que m'asseoir sur ces trucs. La civilisation de la chaise avait ici clairement atteint un point de non-retour. Bon, demain on fait l'émission debout, je vous prends au mot Aurélien. Votre... J'ai accepté. Eh ben, on verra. En attendant, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture, la page des chemins de la philosophie. Et un très grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Clara de Giovanni en compagnie de Manon de la Selle, Avril Poignant-Le Goff, Géraldine Mosne-Savoie, Anaïs Isbert. Je vous préviens d'emblée, on travaillera toutes au bureau, demain, debout. Nicolas Berger et Esther Valency qui ont, eux, réalisé cette émission. À la prise de son, aujourd'hui, c'était Delphine Baudet. À la lecture des textes, c'était Daniel Mesguiche. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour des mémoires de Saint-Simon. Enfin, pas autour, dans les mémoires de Saint-Simon. Demain, ce sera Marc Hersant qui viendra vous parler style et littérature dans les mémoires de Saint-Simon. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger. Vous pouvez vous abonner au podcast et ainsi écouter l'émission où vous voulez et quand vous voulez, avec les personnes de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires et de répondre à vos questions. À demain, 10h pour Saint-Simon. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.